Et lui, il me suit jusqu'à ce moment-là, c'était pas drôle, hein. Ah bon? Ah, on travaillait beaucoup et on gagnait peu. Mais pas que lui, c'est qu'il travaillait beaucoup. Tout le monde travaillait. Mmh. On parlait pas de vacances ni de loisirs. Oui, bien sûr. Bah oui. Travaillait 14-15 heures par jour. 14-15 heures par jour. Pour trouver une femme. Alors, on ne parlait pas de musée. Hein. Mmh. Je vais y aller parce que je suis aigri, terminé. Ah bon? Puis à part moi. Mmh. Il n'interrogeait pas les vieux Lucie de mon âge parce que. Mmh.